merci. Bien, alors, récemment, en 2006, un film a été fait sur Marie-Claire par une franco-ontarienne qui s'appelle Suzette Lagacé et qui a écrit, qui a scénarisé un film intitulé « Au-delà des apparences, portrait de Marie-Claire Blais » et que nous avons présenté dans le congrès cinéma-littérature l'année dernière, en décembre 2006. J'ai fait une communication sur Anne Hébert et Marie-Claire Blais, justement. C'est un très beau film qui accentue beaucoup cette tension vers la lumière. Tout le film est construit sur cette idée force de la lumière, ce qui donne évidemment une vision assez optimiste de toute l'œuvre de Marie-Claire, même celle des débuts. Peut-être d'une façon un petit peu trop optimiste, c'est selon moi, parce que bien sûr l'Amérique a donné beaucoup de liberté à Marie-Claire pour écrire, elle lui a donné aussi la beauté du monde, il faut bien le dire, à travers justement ce paysage des îles Keys, qui est un paysage de paradis terrestre, mais Marie-Claire reste quand même elle-même, je trouve, c'est-à-dire que dans sa grande trilogie Soif et les autres volumes, elle continue quand même à dénoncer le mal, à montrer que ce sont les hommes qui détruisent ce monde et le mettent à feu et à sang, et elle s'inspire même d'une profonde lecture de Dante, de la Divina Commedia, et cette opposition est assez stridente. C'est pourquoi moi je ne serais pas tout à fait de l'avis de Suzette, qui est totalement optimiste. Mais qu'en penses-tu ? Je pense que les écrivains ont des visions et que les visions sont proches, toujours proches, à travers le temps, de cet état du monde qui est toujours en mouvement, qui est, nous sommes dans un monde en mouvement. Et les écrivains sont des, comme Kafka, comme Dostoïevski, ils sont des passagers, des gens qui voient, des visiteurs, mais qui ont des yeux, qui ont une âme avec des yeux, et les yeux voient tout, ils voient tout dans le présent, ils voient beaucoup dans l'avenir, et je pense que c'est l'état de conscience mouvant, mobile, toujours mobile, de l'écrivain qui en ce sens-là n'a pas d'âge, parce qu'il peut traverser ses apparences du moment pour aller plus loin. Et bien sûr, c'était une... le portrait de Suzette est généreux parce qu'elle veut la lumière pour nous, oui. Pour nous tous, et aussi parce qu'elle est... Elle est jeune et elle a raison de croire, il faut croire, mais c'est sûr que le combat de l'écrivain pour la lucidité sera toujours le même, ce sera toujours aussi ardu, et de dire la vérité, même à travers la vision du poète, notre vision du monde sera toujours durement perçue, difficilement perçue aussi. Et avec la trilogie de Soif, dans la foudre et la lumière, et Augustino et le cœur de la destruction, bien des personnes croient qu'il ne s'agit que des États-Unis ou du Canada, mais en fait il s'agit du monde. Et le racisme qui est dénoncé là, ou le sexisme, ou la cruauté envers les êtres humains fragiles, les enfants, les animaux, c'est la même qu'on retrouve dans toute l'humanité, malheureusement. C'est très inconfortable d'écrire sur un paradis qui est le nôtre, c'est-à-dire notre terre, et de savoir que nous sommes en train de détruire notre paradis et que nous n'avons aucun respect les uns pour les autres. Et moins de respect encore pour ceux que nous ne connaissons pas et ignorons. Mais j'ai de l'espoir parce que il y a toujours dans la vie des gens comme Augustino ou comme Renata, ces personnages que je tente de décrire, qui travaillent pour la justice ou qui essaient de traduire par l'écriture à travers leur jeunesse, les scandales, les hontes qu'ils éprouvent. Et nous parlions de fascisme ce matin, et c'est toujours présent. Et on ne peut pas dire que ce n'est plus présent, c'est faux. Et je pense que nous sommes dans cette ère de fascisme, de cruauté, et que si on ne se réveille pas, on va tout détruire, ce paradis. Mais l'espoir que j'ai dans l'écriture, c'est de faire vivre des personnages qui ont la foi dans l'avenir du monde.